Voici l'histoire en mon début. Des papillons qui tapent du pied. Il vit quelque part dans cette zone où serpente le fleuve Amazon, dans cette forêt qui résonne des longs rugissements des lions. Insensible aux senteurs friponnes des orchidées qui l'environnent, dans ces grandes forêts qui frissonnent. Notre cher papillon Poucault pêché sur son grand caoutchouc, notre papillon est jaloux, car sa compagne est si mignonne qu'il se convainc qu'elle est papillon. Notre amoureux dit à sa belle qu'il la soupçonne d'être infidèle, qu'elle ferait mieux de filer droit, sinon on verra ce qu'on verra. Bien sûr, elle se moque de lui, finit par le mettre au défi. Il a le Kipling, il se croit le king, des histoires comme ça. Il est énervé et il tape du pied, mais ça ne marche pas. Sous les colibés, oui, va te cacher et mords-toi les doigts. Passe à mon génie qui lui dit petit, ses recettes du passé sont bien dépassées. Il y a de la nouveauté, on ne tape plus du pied, te mets pas en transe, va donc lire le rose. Et quand tu t'expliques toute la technique, quelques battements d'ailes et tire d'ailes. Se désespère, promet de plus.